Tout de suite, sur France Culture, une proposition de Perrine Kervran avec Marie-Vonne Abolivier, LSD, la série documentaire. 55 minutes de radio coups humains, un thème et 4 épisodes, à 17h et à 23h. Cette semaine, bienvenue dans l'Anthropocène, une série de Tao Fabre réalisée par Gaël Gillon. Au départ de cette série, il y a un mot qu'on ne comprend pas toujours et qu'il faut désormais s'habituer à prononcer. Il y a l'apocalypse qui vient avec sa farandole de fléaux en tout genre et des légions de scientifiques qui crient dans le désert. Et puis il y a la disparition des oiseaux, des insectes, des saisons, des paysages et bientôt l'imprévisible comme horizon. Alors pour commencer, les personnages. Une philosophe qui décrit l'imprévisible, un écologue qui reprend les prédictions, un chercheur qui voit la catastrophe, un microbiologiste limpide dans un ascenseur, un chercheur qui redessine le monde et un agriculteur dans un micro-milieu. Ensuite, le décor. Le progrès comme une malédiction, des steppes, des extinctions, l'adaptation, des moments de bascule, l'inconnu, la pluie, des pâturages, des écoles systèmes, des microbes indispensables, la destruction du vivant, une ferme, un bateau-école et l'Amazonie. Aujourd'hui, deuxième épisode, on laisse passer le train. Bienvenue dans l'Anthropocène, épisode 2, l'écologie ou la mort. Un documentaire de Tao Fabre, réalisé par Gaël Gillon. Dominique Bourg, philosophe. Quand on dit compromettre les conditions d'habitabilité de la Terre, bon alors c'est assez simple à comprendre. Tous les êtres vivants, quels qu'ils soient, ils ont une fourchette de température dans lesquels ils peuvent s'épanouir. Si ça gèle, la photosynthèse s'arrête. S'il fait trop chaud, pour les plantes, c'est pareil, la photosynthèse s'arrête aussi. Et les plantes ferment leur stomate et c'est fini. Donc, il faut bien comprendre que toutes les espèces qui vivent aujourd'hui ont vécu depuis 2 600 000 ans, en gros, donc avec le quaternaire. Et pendant le quaternaire, on avait des cycles d'en gros 100 000 ans avec 20 000 ans d'interglaciaire et 80 000 ans de période glaciaire. Durant les 80 000 ans de période glaciaire, l'ensemble du vivant se réfugiait entre les tropiques. Et on n'a jamais connu à ce moment-là, durant toute cette période, de presque 3 millions d'années, de température supérieure à plus 2 degrés par rapport à la température qu'on connaissait à la fin du 19e siècle. Et donc, si on excède les 2 degrés, eh bien, on sort de ce tunnel de variation des températures auquel l'ensemble des espèces vivantes sur Terre sont adaptées. Alors, là, on voit bien qu'effectivement, si on est sur une planète avec un climat qui a fortement changé, avec des événements extrêmes qui deviennent de plus en plus extrêmes, de plus en plus violents, si on doit assez régulièrement se terrer pour ne pas mourir, si on a peine à se nourrir parce qu'on a des zones qui deviennent arides, parce qu'on a des vagues de chaleur et des sécheresses chroniques et très élevées, etc. Je vous rappelle qu'avec un scénario à 3.7, étude publiée par des chercheurs de Météo France en juillet, il y a un an et demi maintenant, eh bien, on arriverait à des pointes, à des records de température dans l'est de la France de 50 à 55 degrés. Donc ça veut dire des jours à 45, des jours à 40 sont très nombreux. C'est un changement violent et très rapide, c'est bien le problème du climat. Donc là, on comprend bien ce que ça veut dire, compromettre l'habitabilité de la Terre. Donc c'est si on prend le côté physique. Maintenant, si on prend le côté biologique, on peut imaginer que si tout vivant autour de nous s'effondre, on ne va pas finalement, au bout du compte, être en pleine forme. D'autant que le vivant nous assure toute une série de services écosystémiques sans lesquels on ne peut pas vivre. Dans le scénario horrible, vous avez le fameux papier de Barnowski et son équipe qui était paru en 2012, où en regardant dans l'histoire de la Terre, le moment où quand on franchit disons en gros la moitié de bousculement des écosystèmes, l'autre moitié ne reste pas indemne, elle bascule. Et en fait, on peut avoir là un basculement des écosystèmes, c'est-à-dire une organisation du vivant qui nous serait complètement défavorable. Catherine Larrère, philosophe. Anthropocène, on lit la racine anthropos, qui en grec veut dire homme, à Anthropocène, qui est le suffixe qui, dans les différentes ères, désigne la dernière ère en date, donc Pléistocène, Holocène, Anthropocène. Donc on réunit l'histoire de la Terre, Cène, et l'histoire de l'homme. Et la tentation, c'est de penser que c'est le triomphe de l'homme. Donc l'idée que on a atteint un niveau global, que les hommes sont devenus maîtres et possesseurs de la Terre au niveau planétaire, et que donc, eh ben, on a les possibilités de manipuler le climat globalement. Et c'est ça que présente la géo-ingénierie, l'idée que, ben, on pourrait envoyer des particules de soufre dans l'atmosphère, que ça ferait comme une énorme éruption volcanique, et que donc les rayons du soleil seraient renvoyés vers le soleil, et que donc la température baisserait. Alors ça aurait des effets secondaires extrêmement nocifs, et en plus, une fois qu'on aurait commencé, on ne pourrait plus s'arrêter, il faudrait le faire sans arrêt. Donc c'est pas une bonne chose. L'autre récit, c'est au contraire, nous sommes rentrés dans une époque qui est celle de l'imprévisibilité, et d'une imprévisibilité qui peut conduire soit à la catastrophe brutale, soit à un long effondrement. Vincent Bretagnol, écologue. Dans les années 70, il y a quelqu'un aussi de très célèbre qui a écrit un livre qui est Denis Mido, c'est le Club de Rome, Halte à la croissance. Il a prédit, c'est toujours vivant, l'effondrement des sociétés humaines entre 2030 et 2050 par des mécanismes liés à la pollution, la surexploitation des ressources naturelles, des problèmes d'alimentation, de baisse de l'énergie disponible. Bon, on est encore exactement dans le même état du débat, c'est-à-dire que son modèle n'est pas invalidé. Un chercheur australien récemment a calé les données issues du modèle de Meadows 40 ans plus tard, et en fait il y a une adéquation parfaite entre les courbes prédictives de Meadows et les données observées. Sauf qu'il y a quand même un changement majeur, c'est qu'à l'époque de Meadows, dans les années 70, on pouvait parler de développement durable, parce qu'on avait le temps, et on avait aussi l'argent et les ressources nécessaires. Aujourd'hui, on n'est plus dans une problématique de développement durable. Moi, personnellement, je ne crois plus du tout au développement durable. La problématique qui est celle d'aujourd'hui, c'est celle de la résilience. C'est-à-dire que on a déjà utilisé une grosse partie des énergies disponibles sur la planète. On arrive en limite de capacité d'utilisation des terres. On est en train de sortir de l'enveloppe climatique qui a permis à l'homme des sociétés modernes, agricoles puis industrielles de s'épanouir. Donc on n'est plus dans la durabilité. On va changer de système, et donc la question qui se pose aujourd'hui aux sociétés humaines et aux écosystèmes, c'est celle de la résilience et comment ces socio-écosystèmes vont pouvoir absorber les chocs qui s'annoncent, qu'ils soient climatiques, financiers, environnementaux, et être résilients, c'est-à-dire avoir la capacité de s'adapter, voire de se transformer, tout en maintenant les fonctions vitales du socio-écosystème. Les problèmes sont aujourd'hui non seulement colossaux, mais sont systémiques, c'est-à-dire que la crise environnementale ou les crises environnementales sont des crises plurielles qui touchent bien sûr la biodiversité, le changement climatique, la problématique de l'eau, la problématique de l'énergie, la problématique de l'alimentation, de la pauvreté, l'insécurité, tout ça est lié en fait, les finances, les crises économiques, tout est lié. Donc on a eu jusqu'à maintenant dans le monde industriel moderne une approche qui était finalement très simple et qui a été très efficace pendant quelques décennies, qui était un problème, une solution. En fait, plutôt que d'aborder la complexité du monde, on l'a sectorisé, disséqué, et à chacun des micro-problèmes, on a trouvé des solutions. Aujourd'hui, ce mode opératoire qui s'applique aussi à la recherche, n'est plus viable parce que les problèmes sont systémiques, ils sont complexes, ils sont interconnectés. L'Anthropocène, c'est l'histoire de ce que les scientifiques appellent la grande accélération, l'intensification à partir de la révolution industrielle des flux socio-économiques, entre autres, démographie, consommation d'énergie, utilisation d'engrais, et sa traduction biophysique sur le système Terre. Émissions de carbone, changement d'usage des sols, déclin de la biodiversité. Une accélération qui, à partir des années 50, évolue de manière exponentielle. L'impact humain devient tel qu'il outrepasse certaines des limites planétaires. Nous entrons dans un monde inconnu, aux rétroactions inédites, un monde qui se reconfigure. Si l'histoire de la Terre se concentrait en 24 heures, l'Anthropocène aurait commencé dans les tout derniers millièmes de seconde. C'est dire d'où l'on vient, une vieille planète, infiniment complexe, avec laquelle nous sommes entrés en collision. Et c'est bien cette complexité que l'Anthropocène engage à prendre en compte comme une urgente et nouvelle responsabilité. Par une ironie noire, c'est au moment où une espèce disparaît toutes les 20 minutes que nous découvrons notre totale dépendance au vivant. Nous sommes dans l'âge des transitions catastrophiques et des révolutions coperniciennes. Bienvenue dans l'Anthropocène, épisode 2, l'écologie ou la mort. Toutes nos techniques, même les plus complexes, tiennent compte d'un certain rythme de temporalité de la nature, d'un certain régime des phénomènes naturels. Je vais prendre l'exemple des centrales nucléaires. Les centrales nucléaires ont été construites avec l'idée d'un certain régime des eaux. Or, on l'a vu avec les inondations récentes dans l'Aude, ce régime des eaux est en train de changer. Alors ça ne veut pas dire qu'on va avoir un Fukushima très vite, mais ça veut dire qu'on ne peut plus vraiment compter que les Marcou, le Tricastin ou le Blayais vont avoir toujours les pieds au sec. Donc tout ce qui était considéré comme admis, parce que le temps de la nature, c'est un temps de la répétition sur le long terme, mais où il y a, vous savez, on parle toujours des crues centenaires, etc., mais où il y a des perturbations relativement rares et dont on peut déterminer la probabilité. Mais ça, c'est en train de changer. S'il y a quelque chose de vrai dans l'Anthropocène, si la proposition d'Anthropocène, je pense, repose sur des idées justes, ça ne signifie pas d'autres prévisions. Ça signifie la difficulté de prévoir et, dans beaucoup de cas, l'impossibilité de prévoir. Donc, c'est là aussi qu'il faut changer notre attitude vis-à-vis du monde, c'est-à-dire compter avec de l'imprévisible qui va être de plus en plus fréquent. Donc ça va demander des changements extrêmement importants. Si on regarde la manière dont on concevait la nature avec l'avènement de la science moderne, de Copernic jusqu'à Newton, on a l'idée d'une nature réduite à des particules matérielles extérieures les unes aux autres, régies par des lois très simples et vis-à-vis desquelles nous sommes extérieurs. Et là, du coup, on imagine que lorsqu'on intervient, on intervient sur un aspect, que ça n'a pas de conséquences, de façon générale. À partir du moment où on comprend que le système Terre est précisément un système, que les grands cycles biochimiques sont interdépendants, que le physique, le biologique sont interdépendants, etc., bah évidemment, on se fait une toute autre idée. En plus, avec l'idée du système, l'idée de système, on sait très bien qu'un système peut influer sur ses composants, faire que certains mécanismes soient renforcés, au contraire, que certains mécanismes soient freinés. Donc ça débouche sur l'idée qu'il n'y a pas simplement une causalité ascendante, on passe de manière analytique, on passe des composants, puis on remonte vers la totalité. On a aussi une causalité descendante qui part du tout, lequel influe sur les parties. Et de ce fait, ben justement, il y a une rupture de linéarité. C'est-à-dire que les mêmes causes ne débouchent pas nécessairement sur les mêmes effets. On est sur la question d'échelle, la question de conditions limites, etc. Et là, on arrive à ces fameuses exponentielles. On voit effectivement toutes les courbes monter au ciel à compter des années 50. Alors, si vous êtes un peu niais et transhumaniste, et vous pensez que c'est voué à progresser comme ça à l'infini, et donc vous imaginez que le pouvoir technique humain va devenir infini, si au contraire, vous avez une petite connaissance de ce qu'on appelle nature, vous savez très bien que les exponentielles, ça n'existe pas dans la nature, que les arbres, comme disait le vieux Goethe, ne montent pas au ciel. Donc quand vous voyez des exponentielles, c'est le signe d'un état critique, du fait que le système va changer d'état. Ben, c'est là où on est. Le système peut changer d'état. Donc effectivement, la pensée écologique, c'est une pensée de la rupture, de la discontinuité. Alors que la pensée moderne, c'était une pensée de la continuité. L'histoire était continue, le progrès était infini, etc. Et c'est sans doute une des nouveautés les plus fortes de la pensée écologique, c'est précisément d'être une pensée de la solution de continuité. Et là, c'est au panneau là-bas, donc on peut tracer directement. Réserve des Coussous de Crocs à côté d'Arles. Un paysage de steppe, façonné depuis des milliers d'années par le pâturage. Un lieu où les écologues cherchent à comprendre la résilience des écosystèmes, leur capacité à retrouver leur état d'origine après avoir été perturbés. Sonia Kefi. On modifie et détruit les habitats. Modifié près de la moitié de la surface des terres pour nos propres usages. On exploite les ressources naturelles, on pollue l'air, l'eau, les sols, le climat change, il y a une augmentation des événements extrêmes, avec une augmentation de 46% des événements extrêmes depuis l'an 2000. Et puis on fait face à ce que certains appellent la sixième crise d'extinction. Donc, toutes ces pressions, elles sont subies par les écosystèmes. Et un des défis de l'écologie scientifique aujourd'hui, c'est d'essayer de comprendre quels sont les mécanismes qui font que les écosystèmes sont capables de s'adapter et de se maintenir malgré toutes ces pressions. Et au contraire, quels sont les mécanismes et les configurations qui les fragilisent. Donc il y a deux questions qui animent nos travaux de recherche, qui sont pourquoi et comment certains écosystèmes peuvent basculer, tandis que d'autres répondent de façon graduelle à des pressions croissantes. Et si des écosystèmes peuvent présenter des comportements, des réponses abruptes face à des perturbations, est-ce qu'on est capable d'identifier des signes avant-coureurs de ces points de bascule? On parle de tipping point en anglais. Donc est-ce qu'il y a des caractéristiques de l'écosystème qui sont visibles en amont, avant que l'écosystème bascule? Alors ces points de bascule, il y a deux caractéristiques importantes. En général, ils se produisent sans signe avant-coureur, puisque en général l'écosystème est relativement robuste face aux perturbations jusqu'à ce que le valeur seuil de la pression ait été atteinte. Et souvent, une fois que l'effondrement s'est produit, c'est très difficile de revenir à l'état d'origine. Et il ne suffit pas de renverser la situation, de diminuer la pression pour revenir à l'état d'origine. Donc ces deux caractéristiques font que c'est important d'essayer d'identifier ces situations avant qu'elles se produisent. Alexandre Génin. Dans les années à venir, va peut-être sûrement y avoir un changement de régime en fait des pressions. C'est-à-dire qu'on va vers quelque chose qui est de plus en plus intense, et donc on va rentrer là dans une phase où on n'est plus sur des pressions graduelles, quelque chose de fond, mais vraiment des changements très rapides. Et donc il y a vraiment, on ne peut plus penser en termes d'équilibre naturel quelque part. Parce que là, on est sur une trajectoire qui nous est un peu totalement inconnue avec les changements climatiques qui arrivent. On est totalement hors équilibre. Et donc là, il y a vraiment urgence d'aller comprendre les processus pour essayer de comprendre vers quoi est-ce qu'on peut aller. Alors la raison pour laquelle la réserve naturelle des Coussous de Crocs nous a intéressés, c'est parce qu'il y a une longue histoire de pâturage. Donc ce sont des écosystèmes qui sont soumis au pâturage depuis des milliers d'années. Et que ce site il permet de combiner à la fois des pressions de pâturage actuelles avec des gradients de pâturage qu'on peut observer aujourd'hui. Donc on peut étudier aujourd'hui l'effet du pâturage sur les communautés de plantes, mais aussi des bergeries qui auraient été abandonnées à différents moments dans le temps. Et la comparaison de ce qu'on observe aujourd'hui avec ce qu'on observe à différents moments dans le passé, ça nous permet d'essayer de quantifier cette résilience. Donc des bergeries qui ont été abandonnées à l'époque romaine, des bergeries qui ont été abandonnées il y a quelques siècles ou il y a quelques décennies, à quoi est-ce que les communautés de plantes ressemblent aujourd'hui? Et donc à quel point elles se sont régénérées en comparaison avec ce qu'on observe aujourd'hui dans des sites où le pâturage est faible. Donc ici c'est un site qui a été abandonné au 1er siècle. Et on vient documenter l'état de la végétation concrètement 2000 ans après abandon. Ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, quand on s'arrête et on vient mesurer en fait précisément ben, quelles sont les espèces présentes et comment est-ce qu'elles interagissent, en fait, on se rend compte que c'est proche, mais ce n'est pas tout à fait identique en fait à la communauté originale. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que le processus de résilience, il est extrêmement long et il faut au moins 2000 ans pour retrouver la communauté originale du Kousou. Et alors, moi, mon travail en particulier, c'est que en fait, la communauté de plantes, c'est pas seulement une liste d'espèces, mais c'est quelque chose de complexe. Et donc, on vient, en plus des espèces, on vient documenter les interactions. Et alors, ce qui semble ressortir, c'est cette idée que en fait, les interactions entre plantes mettraient plus de temps, en fait, à réapparaître que les espèces. C'est-à-dire qu'il suffirait pas qu'une espèce arrive, vienne coloniser un milieu pour retrouver la communauté originelle. Il faut aussi que cette espèce, elle développe en fait les interactions qui lui sont propres. Et ce processus, il est encore plus long. Dans l'appréhension de cette complexité, à toutes les échelles, à l'échelle microbienne, mais aussi à l'échelle du système Terre, est-ce que il y a une révolution conceptuelle qui se joue quand on parle d'écologie ? On observe effectivement des avancées extrêmement stimulantes dans le domaine de l'écologie et l'évolution. Y en a plusieurs. L'écologie des réseaux a apporté quelque chose, à mon avis, d'essentiel. C'est de sortir du paradigme ou de l'idée que la diversité de vivant ne se comprend que sous le prisme des interactions entre des espèces, interactions négatives, de compétition. Vincent De Victor, écologue. En décrivant la notion de lien et en faisant varier la nature de ces liens, leur nature qualitative, ça peut être des liens de facilitation, des liens positifs, bien sûr des liens de compétition, des liens négatifs, mais aussi leur magnitude, leur intensité, eh bien on décrit le tissu d'organisation du vivant avec des outils et une vision, je pense, beaucoup plus juste et beaucoup plus forte. Donc cette description du vivant-là, je pense, en est à ses débuts, enfin, a fait quelques avancées, mais on est à ses débuts d'une redescription de ce qu'on avait appelé interaction auparavant et qui avait tendance à isoler là où on a envie de passer à des échelles plus écosystémiques et plus complexes et plus larges. La réaffirmation que l'écologie est une science complexe, pas forcément compliquée, pas toujours compliquée, donc que cette complexité, elle est fondamentale, elle est aussi merveilleuse d'une certaine façon. Lorsqu'on regarde sur ce qui se passe au niveau de la connaissance de l'écologie microbienne, on est témoin d'une véritable révolution qui est donnée par un outil technique qui est le séquençage à haut débit, la génomique environnementale, qui procède par échantillonnage de morceaux d'ADN dans l'environnement. Eh bien, ça redessine complètement la cartographie du vivant parce qu'on s'aperçoit que des zones qu'on pensait inhabitées ou pauvres en diversité sont en fait le lieu d'une écologie extrêmement dynamique, compliquée, avec des espèces variées qu'il faut redécouvrir. Donc, en effet, on a cette complexité du vivant qui va du micro-organisme jusqu'au macro-organisme et qui traverse toute l'écologie dans toutes les échelles. Si on reprend ce terme d'écologie, on se rend compte qu'on a une mine d'or pour repenser l'Anthropocène et la crise écologique aujourd'hui. Donc l'écologie, c'est une science qui est à la limite du physique et du biologique, hein, parce qu'on va passer d'un modèle biologique avec Clemens à un modèle qui intègre la conception physique du système avec l'apparition du terme d'écosystème avec Tansley en 1934. Donc tout ça est relativement récent. Mais surtout, ça reste marginal. Hein. Massivement, la biologie du XXe siècle, c'est la biologie moléculaire. C'est-à-dire, d'une certaine façon, absolument l'inverse de l'écologie. L'écologie est une science des ensembles complexes, hein, c'est la science des relations des êtres vivants avec leur milieu, donc elle prend en compte des ensembles complexes auxquels elle va donner différents mots. On va parler de holisme, on va parler d'écosystémisme, mais c'est toujours des interactions dans un ensemble complexe, là où ce qui marche, ce qui réussit, c'est au contraire trafiquer, de décomposer le vivant dans ses composantes élémentaires de cellules, et on en est encore là avec la biologie de synthèse. Donc il y a eu un livre qui parlait de l'écologie comme science subversive, parce qu'elle va à l'inverse du mouvement général de décomposition analytique de la science moderne. De ce point de vue-là, c'est une science, alors subversive, j'en sais rien, mais à contre-courant. Et je pense, j'espère, que le regard de la complexité gagne. Parce que si on veut s'en tirer à peu près, c'est de ça qu'on a besoin. Alors, bah déjà, l'écologie scientifique, dans un pays comme la France, elle commence à s'installer dans l'après-guerre, hein, alors qu'elle naît au 19e siècle. Donc ça, c'est déjà un symptôme. La science, en fait, petit à petit, l'idée que les gens se font de la science, c'est éloigné vraiment de ce qu'on appelle science. Ce qu'on appelle science, c'est le fait de produire des énoncés, de les produire de telle sorte qu'ils soient le plus vraisemblables possible, les plus robustes possibles. Et petit à petit, dans l'esprit public, on a laissé tomber ça, et on entend par science technique, en fait. La science, c'est les OGM, c'est la robotique, c'est l'intelligence artificielle. Et donc l'écologie, c'est ce qu'il faut d'ailleurs, mais ça fait rien. Donc ce qui nous intéresse, c'est la biologie moléculaire, etc. Et dans le milieu scientifique, l'écologue, par ses collègues biologistes moléculaires, était plutôt quelqu'un de méprisé. C'est un sous-biologiste. Donc voilà, toutes ces vieilles rengaines ont aussi beaucoup contribué, en fait, à nous éloigner de la connaissance et à l'éloigner le public de la connaissance. Pourquoi l'écologie ? Pourquoi la biologie de la conservation ? Qu'est-ce qui se passe lorsqu'on s'intéresse à cette notion d'écologie ? En fait, c'est une notion qui est assez belle, qui est assez dense, qui est proposée notamment par Ernst Haeckel en 1866, donc on est à la fin du 19e siècle. Haeckel, ami de Darwin, grand défenseur du message darwinien, Darwin dira que c'est l'un de ceux qui a le mieux compris son message. Donc on voit à quel point le message évolutif et le message écologique sont liés dès le début. Il utilise la notion d'oikos qu'il emprunte au grec et qui veut dire quelque chose de très fort, qui est la notion de domaine. Je ne sais pas si vous vous rappelez dans l'Odyssée, le voyage d'Ulysse, ce qu'il cherche à rejoindre, c'est son oikos. C'est son domaine qui est conçu par les Grecs comme quelque chose qu'on a du mal à se représenter aujourd'hui, mais qui est à la fois les habitants du domaine, à la fois l'habité, c'est-à-dire la structure du domaine, et le mode d'habitation. Et l'oïcologie, donc l'étude de ce domaine, c'est les trois à la fois comme une intrication. On ne peut pas séparer les habitants de leur habitation ni de leur mode d'habiter. Et au fond, Haeckel fait cette proposition que la biologie qui sort les organismes de leur milieu pour les étudier dans un laboratoire, sous une loupe binoculaire, eh bien, font une erreur fondamentale parce qu'ils coupent les habitants de leur habitation et de leur mode d'habiter. Et le message darwinien et le message écologique est tout autre. Il suppose que ces habitants, donc, ce ne sont pas simplement des espèces, ce sont des individus. Des individus, c'est-à-dire des morphotypes, des génotypes, des phénotypes, des comportements, tout ce qui fait la complexité d'un individu qui ne se donne jamais seul, mais toujours en interaction avec d'autres individus. Donc, étudier l'oïkos, c'est pas seulement faire des inventaires d'espèces qui apparaissent et qui disparaissent, mais c'est redescendre à des échelles individuelles, populationnelles ou infra-individuelles. Alors je vous en prie, rentrez. Alors on va prendre l'ascenseur, parce que d'abord c'est au quatrième, puis deuxièmement ça nous donnerait une chance d'être coincé dedans, ce qui nous donnerait une ambiance un peu museum. En fait, tout n'est pas en état de marche ici, mais pour 300 ans d'âge, ça va encore. Muséum d'histoire naturelle de Paris, Marc-André Sellos, microbiologiste. Quelle est la nature de la biodiversité ? Et ce dont on se rend compte aujourd'hui, c'est qu'elle est surtout microbienne. Ça, c'est peut-être contre-intuitif parce qu'on est trop gros pour faire de la biologie, pour s'apercevoir que l'essentiel des espèces sont en gros unicellulaires ou faites aux quelques cellules, et donc leur taille, leur ordre de grandeur, ça va être entre le 10 millième et le 10e de millimètre. C'est donc une grande partie n'est tout simplement pas visible, l'autre l'est quand on écarquille les yeux, et encore, hein, parce que ce sont des micro-organismes, et c'est là qu'est la diversité du monde. En termes de nombre d'espèces, en termes de façon de vivre, en termes d'organisation, mais ça on le voit pas, parce qu'on est trop gros, on fait partie de ces rares groupes, il y en a 4-5, qui ont dépassé le centimètre en taille, hein. Les animaux, les plantes, quelques groupes d'algues, certains champignons, puis c'est tout. Donc on s'en aperçoit de plus en plus, et on s'en aperçoit de plus en plus parce qu'on a des outils maintenant, on les détecte grâce à leur ADN, et on découvre qu'il y en a encore plus que nos mises en culture, nos microscopies nous avaient permis de le voir. Donc la première chose, c'est que la biodiversité est microscopique. Et la deuxième chose, c'est qu'effectivement, elle est aussi en train de fondre. Et les rôles écologiques qu'elle remplit sont en train de disparaître. Alors en fait, on arrive à ce paradoxe que ce que nous voyons et dont nous pensons qu'il existe en lui-même est largement appuyé. Il existe, bien sûr, les plantes sont des plantes, moi je suis moi, hein, ça, on n'est pas en train de le nier, mais quelque part, ce qui fait qu'une plante est une plante ou que moi je suis moi, c'est aussi des microbes qui sont là et qui ont des fonctionnements, des rôles. Ça paraît un peu bizarre dit comme ça, mais rien de ce qui se passe dans une plante ou dans un animal n'échappe aux microbes. Notre digestion est aidée par des microbes. On le sait aujourd'hui parce que, pour les animaux, on peut faire des expériences sur les souris. Et ce qu'on voit, quand on met des souris dans des cages stériles où elles n'ont pas de microbes, c'est qu'il leur faut 30% d'aliments en plus pour se développer aussi bien. Parce que nous profitons des enzymes digestives de nos microbes, ceux qu'on a dans le tube digestif. De plus, il faut leur donner régulièrement des petites capsules de vitamines. Parce qu'en fait, une partie des vitamines, c'est-à-dire ces molécules que nous devons trouver dans le milieu parce que elles sont vitales pour notre fonctionnement, elles ne viennent pas vraiment de notre alimentation, elles viennent des microbes qui se développent sur nos aliments. Voilà, le pire, sans doute, si j'ose dire, c'est que l'étude des souris qui n'ont pas de microbes montre de plus profondes altérations que la moindre capacité à se défendre contre des pathogènes ou la moindre capacité à digérer. Ce qu'on découvre, c'est qu'en fait, elles sont mal formées. Il n'y a pas un organe ou une partie qui fonctionne normalement. Leur peau est plus mince, leur bulbe olfactif et l'ensemble des ramifications qui perçoivent les odeurs dans le nez sont moins développés. Leur système nerveux ne fonctionne pas du tout pareil, leur comportement est complètement altéré, elles interagissent moins avec les autres, elles ont moins peur des objets nouveaux ou des situations nouvelles, elles se planquent pas, par contre, elles mémorisent très mal, enfin, rien n'est normal jusque dans leur système nerveux et dans le comportement. Et en fait, ce que ça veut dire également, c'est que ces microbes, ils contribuent au développement des organismes. Ça veut dire que je suis pas moi-même et je ne me serais pas développé en tant que moi-même si j'avais pas à un moment interagi avec ces microbes. Et qu'on vienne pas me dire que c'est juste, comme on le pensait il y a 20 ans, que ça aide le système immunitaire à s'entraîner, à être plus résistant aux maladies. Non, non, non. C'est que ce qui fait que je suis moi quand je suis un animal adulte, c'est non seulement les potentialités de mes propres gènes que j'ai exprimées, mais c'est aussi le contexte microbien dans lequel ça s'est passé et des signaux, des appuis moléculaires, des appuis fonctionnels que m'amènent mes microbes. Et ce qui s'est passé, c'est qu'on a petit à petit pris conscience qu'un certain nombre de maladies de la modernité qui étaient en pleine explosion alors que les maladies contagieuses régressaient, elles sont en partie dues à l'insuffisance de diversité microbienne dans notre organisme. Alors, ces maladies, c'est des maladies, par exemple, du système immunitaire. Toutes les maladies auto-immunes, ou l'asthme, qui est une... Alors, les maladies auto-immunes, c'est quand le système immunitaire attaque l'organisme. L'asthme, c'est au contraire quand le système immunitaire réagit à des facteurs exogènes, mais de façon surdimensionnée. On sait aujourd'hui que c'est associé à des problèmes de diversité microbiologique qui ne sont pas les mêmes que dans les individus sains et qui sont l'un des facteurs, parmi d'autres environnementaux, comportementaux ou même génétiques, qui prédisposent à ça. Mais une partie de ça, c'est les microbes. On sait aujourd'hui que des maladies du métabolisme, des problèmes de régulation du métabolisme comme l'obésité ou les formes de diabète, sont liées aussi à des microbes différents. Puis il y a aussi des maladies du comportement. Alors ça, c'est un peu plus étonnant, mais en 10 ans, l'autisme, la fréquence d'autisme a été multipliée par 10. Et en réalité, on sait qu'il y a une partie du déterminisme de l'autisme qui est liée aux microbes. Donc, on ne dit pas que la cause est unique, mais on voit qu'à travers ces microbes, il y a un moyen de traitement. Et au fait, on voit que quelque part, ce qui fait que ces maladies s'installent, c'est que l'écosystème n'est plus dans son état fonctionnel originel où ces maladies étaient beaucoup plus rares. Songez par exemple que l'asthme, le nom n'existe pas parce que les symptômes sont rarissimes ou n'existent pas au début du XXe siècle. C'est un mot qui date de 1906. Donc on a réellement aujourd'hui des maladies dont on est arrivé à reconstituer qu'une partie de leur déterminisme, c'est un microbiote, c'est-à-dire un ensemble de microbes insuffisamment diversifiés. Et aujourd'hui, dans la modernité, notre hygiène abîme cette capacité à se coloniser assez rapidement et assez diversement. Et c'est pourquoi, moi, je parle de saleté propre. Il y a un degré de saleté au sens des critères culturels qui est plus propre à défendre notre santé et à nous mettre en bonne santé que l'hygiène par la stérilisation totale. Et c'est ça qu'il va falloir retrouver sans retrouver les pathogènes. Donc, aujourd'hui, la pertinence, elle n'est pas de penser l'organisme comme étant isolé, elle est de le penser avec son cortège microbien qui est une partie intrinsèque de ce qu'il est. Et sans lequel il ne serait pas ce qu'il est, il serait éventuellement dysfonctionnel. Je suis on. C'est une leçon d'humilité, c'est aussi une révolution copernicienne qui fait de nous de moins en moins, c'est un de ces nombreux produits de la science qui fait de nous, et ceci de façon peu intuitive au départ, de moins en moins le centre du monde. L'image qu'on se fait du vivant est complètement en train de changer. Et justement, c'est là qu'on va retrouver une relation totalement paradoxale avec l'Anthropocène. L'Anthropocène, c'est l'humanité qui exerce une influence énorme sur le système Terre. Et un des effets, un des aspects de cette influence, c'est la destruction du vivant. Et en même temps, on rompt complètement avec cet imaginaire dont j'ai parlé, cet imaginaire moderne, et qui, effectivement, en imaginant que la nature n'était qu'un agrégat de particules mécaniques, avait placé l'humanité hors nature. Et ce qui a fait la force de ce paradigme, c'est qu'on avait une science naissante qui venait conforter un héritage biblique. Une compréhension de la Genèse liée à une seule strate de la Genèse, c'est-à-dire Genèse chapitre 1, versets 26 à 28, Dieu a créer les êtres humains à leur image, à son image, à sa ressemblance, et ils sont voués à être craints et à des animaux et à les dominer. Ben finalement, il y avait une congruence parfaite entre science et religion. Donc ça a donné une force et une puissance énorme à ce paradigme. Et le premier coin jeté dans ce paradigme, ben c'est Darwin. Parce que Darwin replace l'espèce humaine au milieu des espèces naturelles, et en fait une espèce naturelle comme les autres. Deuxième révolution, là on est plutôt du côté de l'éthologie et de l'étude du comportement des animaux. Tous les travaux dans ce domaine ont fait exploser le départ classique entre humanité et animalité. Les hommes seuls possédaient la parole, les hommes seuls possédaient une culture, les hommes seuls possédaient un sens moral, les êtres humains seuls possédaient une sensibilité à la mort, seul maniait des outils, etc. Tout ça a volé en éclats. Et donc, la différence entre les êtres humains et les autres animaux apparaît désormais une différence de degré et pas une différence de nature. C'est énorme par rapport à ce dont on vient de partir. Et puis, alors, troisième révolution, celle-ci est toujours en cours, c'est la révolution de la biologie végétale. Où là, cette fois-ci, on a mis en évidence que finalement, toutes les grandes fonctions du vivant, toutes celles qui sont liées à l'adaptation, conception de stratégie, le fait de leurrer les proies ou les prédateurs, la communication, etc., les plantes exercent toutes les grandes fonctions du vivant. En plus, elles font la photosynthèse, qui est plutôt pas mal pour nous, sinon on n'existerait pas. Donc, il y a une unité absolue du vivant. Et d'ailleurs, on voit aujourd'hui émerger, je dirais, un paradigme anti-mécaniste. Contre-mécaniste. Et on va pouvoir repenser l'économie, repenser la politique, enfin tout reconstruire à partir du paradigme du vivant. Donc on voit bien que aujourd'hui vous avez une espèce de paradigme underground, un peu encore sous-jacent, mais qui s'appuie sur des connaissances et sur une évolution très forte des connaissances et qui est en rupture totale avec le paradigme mécanisme et qui est toujours celui des GAFA et de l'essentiel du monde industriel et politique. L'anthropocène, c'est l'homme qui agit sur une matière molle, inerte. Ça, aujourd'hui, c'est plus possible. Il faut prendre en compte la complexité de la matière, du vivant, en quoi ça consiste penser et agir avec la nature? Il y a le terme « avec hein. ». C'est-à-dire, c'est l'idée qu'on n'agit pas sur, hein, on n'est pas dans une relation ni d'extériorité ni de domination, mais qu'on est dans une nature dont on fait partie et avec laquelle on agit. Alors, on a Caroline Merchant aux États-Unis a parlé de partenariat. Et donc, l'idée, en particulier quand on regarde les modèles techniques, c'est de ne pas concevoir la technique comme une fabrication, comme l'imposition d'une forme sur une matière. On a parlé de pilotage comme, disons, le détournement à notre profit de processus naturels qui existent indépendamment de nous, comme quand un pilote guide le bateau dans l'eau, il ne fabrique pas sa route, mais il va là où il veut aller. Et donc, l'important, c'est de ce point de vue de la complexité, de tenir compte des conséquences de ce que nous faisons. Donc, pas agir avec la nature, c'est pas faire quelque chose qui vaut sur tout le globe, c'est tenir compte de la différence des contextes et que telle chose qui marche dans un contexte ne marche pas dans un autre. Penser à agir avec la nature, c'est se situer chaque fois dans un contexte parce qu'il y a des interactions entre nous et une nature dont nous faisons partie. Ferme du Bec-et-Loin, en Normandie. Fin octobre, des jardins encore abondants. Le contraste avec les champs déserts sur la route depuis Paris était presque caricatural. En une douzaine d'années, Charles et Perrine Hervé Gruyer ont montré combien une approche fondée sur la nature, appliquée ici à l'agriculture, pouvait être salutaire. On est parti d'un très mauvais sol, c'est-à-dire que les gens de la vallée, quand on a commencé à créer nos jardins maraîchers, nous on n'y connaissait rien, nous disaient mais on cultive pas la vallée. Et après les archéologues nous ont confirmé que depuis le néolithique, ces vallées n'ont jamais été cultivées. Parce que le sol est extrêmement pauvre, on a une quinzaine de centimètres de sol sur un sous-sol de cailloux avec une terre très pauvre. Et ce qui nous a frappé, c'est que cette régénération était rapide en fait. Puisqu'on a conduit des études sur le sol, enfin... Plutôt l'université de Jean Blou en Belgique a conduit des études sur notre sol là, il y a deux ans qui montraient qu'on était passé en relativement peu d'années d'un sol vraiment pauvre à un sol d'une fertilité relativement extraordinaire. Et cette fertilité du sol, qui est quand même la base de tout, se retraduit en une explosion de vitalité des végétaux, des arbres, des cultures, etc. Donc là, dans cette cour, dans ce pré-verger de pommiers, on aperçoit là une forge, et puis ce grand bâtiment sert à abriter nos formations, parce qu'une ferme de ce type-là produit plus que des légumes, elle cherche aussi à produire des connaissances utiles pour se nourrir dans un monde post-pétrole, parce que c'est un peu notre obsession, c'est comment est-ce qu'on va nourrir les générations à venir, tout en contribuant à restaurer l'intégrité de la planète. Voilà, ça c'est notre dada. C'est produire beaucoup tout en restaurant l'intégrité de la biosphère. À notre petite mesure. On vit une révolution scientifique où on découvre à quel point le vivant est un réseau et que la vie ne se concentre pas sur des organismes, mais en fait, les organismes sont une pluralité d'entités qui font corps. On découvre en fait une complexité qui nous dépasse très largement. On peut se demander, du coup, comment la permaculture, comment elle compose avec cette complexité. Je suis sensible à la notion de complexité depuis très très longtemps parce que, en fait, avant d'être paysan, j'étais marin, j'avais un bateau école, Fleur de Lampol, et on a navigué pendant 22 ans pour étudier la planète avec des équipages de jeunes ados et des scientifiques. Et j'avais été très profondément frappé par le fait que on allait souvent en Amazonie, et cette forêt amazonienne, c'est une explosion de vie, une surabondance de vie. Or, le milieu qu'il apporte est très pauvre, puisque les sols sont constamment lessivés par des pluies surabondantes. Donc du coup, il y a très peu de nutriments dans le sol. Et je me disais, mais comment est-ce que la nature a eu le génie de faire exploser cette forêt, qui est l'écosystème le plus riche sur Terre, alors qu'il y a très peu de nutriments à la base? Et c'est justement la complexité de cette construction de forêt qui permet un maillage, des échanges, des réseaux de symbiose, de coopération, de prédation aussi, extrêmement complexe. Et aussi, cette forêt, tout est recyclé à l'extrême, rien n'est perdu. Le moindre gramme de ressources organiques est remis à profit pour la croissance d'arbres qui peuvent atteindre 80 mètres de haut. C'est absolument fascinant que la nature ait le génie d'installer un milieu aussi complexe dans un environnement qui était pauvre à la base. Et je me disais, mais est-ce que dans notre ferme, on arriverait à atteindre quelque chose, toute proportion gardée, mais de cette luxuriance de la forêt qui m'avait tellement ébloui? Et je pense que du coup, c'est une invitation à considérer le monde différemment. Là, j'étais passionné par les travaux du physicien Fritjof Capra qui soulignait le fait qu'on a un cerveau rationnel et analytique qui a beaucoup dominé en Occident. Notre cerveau rationnel, il a tendance à avoir une pensée qui découpe en rondelles de saucisson cet univers complexe, et de manière à essayer de mieux comprendre chaque segment. Et le problème, c'est qu'à force de plonger à l'infini au cœur de chaque segment, on en oublie la vision globale. L'un des aspects les plus passionnants de cette ferme, on peut peut-être se diriger vers les îles Jardin là, l'un des aspects les plus passionnants de cette ferme, c'est que on plonge dans des traditions d'agriculture pré-industrielle, et beaucoup dans des traditions des peuples du Sud, qu'on a royalement ignoré et méprisé pendant tant de temps, nous autres occidentaux. Donc on se nourrit de formes d'agriculture pré-industrielle, et en même temps, on est le plus connecté possible aux dernières avancées scientifiques sur le monde vivant, notamment sur les sols, sur l'écologie, sur les écosystèmes, etc. Tiens, regarde, il y a un martin pêcheur, je m'excuse, là, hop, il vient de passer derrière nous, là, il est là. Voilà, il atteste justement du fait qu'un milieu renaturé comme ça peut produire beaucoup de nourriture pour les êtres humains et aussi accueillir beaucoup de biodiversité. Voilà, tiens, regarde, les hérons, là, qui s'envolent. Là. Ce qui me frappe quand même, c'est que le fait de vouloir vraiment s'inspirer de la nature a donné des résultats positifs très rapides. Et que très vite la communauté scientifique s'y est intéressée. Et toutes les études qu'on mène depuis valident, mais puissamment, l'efficacité de cette écoculture. Et par écoculture, je veux dire une forme d'agriculture qui prend la nature comme modèle. Cette île jardin, elle fait à peu près 200 mètres carrés cultivés, c'est pas beaucoup, hein. Derrière, on a une forêt jardin. Autour, il y a des mares. Et là, juste à côté, il y a un petit pré-verger où on met nos animaux. Et je dirais que ça fait 4 petits milieux naturels différents qui coexistent sur une parcelle peut-être de 3000 mètres carrés, qui était l'endroit le plus pauvre de la ferme. Et c'est incroyable de voir comme ils rentrent en synergie et comme le tout est plus que la somme des parties. Par exemple, la forêt jardin, au fond, elle est disposée en arc de cercle. Elle abrite des vents dominants, les îles où ont lieu nos cultures maraîchères. Donc déjà, il y a un microclimat qui est moins venteux et qui est plus chaud grâce aux mares. Et donc, les légumes apprécient beaucoup un microclimat plus chaud, moins d'écart de température, moins de vent, et ils poussent mieux. Ensuite, la fertilité des îles, des buttes de culture, elle est nourrie grâce à toute la biomasse qui provient de la forêt-jardin, la biomasse qui provient du pré-verger, les déjections de nos animaux, la biomasse qui provient de la mare, tu vois, là, il y a les roseaux, il y a la vase qui s'accumule, il y a aussi des poissons, des canards, qui mettent leurs excréments et qu'on peut recueillir avec cette vase. Il y a tous les restes de culture, c'est-à-dire que par exemple quand on va récolter ces choux là, on va récolter la partie consommable, mais tout le reste va être redonné en paillage sur les buttes de culture. Donc il y a plein de sources de fertilité. Et puis après, la régulation des ravageurs, des bio-agresseurs des cultures, s'opère naturellement par tous les oiseaux qui sont présents là, par tous les insectes qui sont abrités dans la forêt-jardin, par les grenouilles, les couleuvres qui sont dans la mare, par les hérissons, par les crapauds, par les canards qu'on aperçoit. Du coup, on a réellement quasiment pas de problème phytosanitaire. Donc nous, qu'est-ce qu'on a fait? C'était quoi notre job de paysan? C'était de, grâce aux outils de la permaculture, de mettre en place ce système complexe, cet ensemble de petits milieux complexes qui offrent beaucoup de niches écologiques. Et ensuite, la nature fait une grande part du boulot à notre place. On profite des services écosystémiques que ce milieu complexe supporte. Donc voilà, on travaille complètement à la main. Ça coûte pas cher dans ce sens que on n'a que des outils manuels extrêmement peu coûteux. On n'achète aucun intrant à l'extérieur et ça produit énormément. Puis en plus, c'est beau. C'est quand même sympa, non? Pendant qu'on discutait, on a vu les poules d'eau, les canards, le martin pêcheur, le héron. On est nourri par toute cette beauté. S'il fallait résumer en une phrase 10-12 ans de recherche et de programme d'études scientifiques, je dirais qu'on a pu constater que la performance économique de la ferme dépendait complètement de sa performance écologique. Or, le monde agricole souvent oppose soit on va protéger l'environnement, soit on va produire beaucoup pour les êtres humains. Et c'est un faux dilemme, parce que c'est pas en détruisant l'environnement qu'on va produire beaucoup pour les êtres humains. Et ici, voilà vraiment la démonstration. Un simple exemple, ce pied de tomate est encore chargé de plusieurs kilos de fruits fin octobre. Il a poussé sans engrais, de manière très naturelle. Et on voit la fécondité de ce système. Si nos récoltes sont aussi généreuses, c'est parce que la nature est généreuse. Il ne faut pas opposer productivité et protection de l'environnement, au contraire. Plus on renature la ferme, plus on monte en productivité, plus on diminue nos charges d'exploitation, nos charges fixes, etc. Donc je dirais même que l'intelligence qu'on peut puiser dans le monde naturel, c'est une source de revenus même en euros. Ça fait très prosaïque de dire ça, mais c'est la réalité. Plus on renature, plus on sera productif et plus on sera durable. Et puis quand on regarde l'évolution de la vie sur la planète Terre, depuis son apparition il y a à peu près 3,7 milliards d'années jusqu'à maintenant, on est parti de formes de vie extraordinairement simples et primitives, et la vie a toujours été vers des formes de vie de plus en plus complexes. C'est-à-dire que dans l'univers, et à la fois pour la matière et la vie, on a toujours évolué vers des formes plus complexes. Et que fait notre époque? Elle fait exactement le mouvement inverse. Elle simplifie tout. Elle détruit cette complexité, elle casse les liens. Les paysages agricoles modernes sont, à mon humble avis, hein, sans jeter la pierre aux agriculteurs, mais une insulte à ce mouvement vers la complexité. Et c'est pour ça que ça marche pas, parce que on artificialise à l'extrême, on simplifie à l'extrême. Les grandes monocultures, on arrose de produits chimiques parce qu'on veut voir aucune autre plante, aucun animal, pas d'insectes, etc. Ça ne peut pas marcher, parce que ça va à l'inverse du mouvement de la vie. C'était Bienvenue dans l'Anthropocène, épisode 2, l'écologie ou la mort, avec Alexandre Génin, Catherine Larère, Charles-Hervé Gruyer, Dominique Bourg, Marc-André Sellos, Sonia Kefi, Vincent De Victor, Vincent Bretagnol. Prise de son, Alexandre Abergel, Laurent Groux, Éric Audra. Mixage, Julien Douminc. Coordination Marivonne Bolivier et Perrine Kervron, une émission de Tao Favre, réalisée par Gaël Gillon. LSD, c'est tout pour aujourd'hui. Bibliographie, lien, ou pour nous réécouter à la ferme, c'est sur la page de l'émission sur franceculture.fr. Et les pages, c'est Marie-Vonne Bolivier, Mathias Mégy et Anne-Lise Signoret. Vous pouvez aussi nous podcaster sur toutes les plateformes, nous trouver sur la page Facebook de France Culture, nous suivre sur Twitter et même sur Instagram. Demain, troisième épisode, la possibilité d'une ville verte.